27. Enthousiasme du général. Quand ils furent sortis du potager, les petits coururent prévenir Madame d'Orvillais et M. d'Alban de l'arrivée des Dillois. Gertrude et Félicie restèrent encore quelque temps dehors. Félicie. Gertrude, pourquoi as-tu dit aux Dillois que je leur faisais cadeau avec toi de ce crucifix et de cette statuette de la Sainte Vierge? Je ne savais seulement pas que tu les avais achetés et que tu voulais les leur donner. Gertrude. Je l'ai dit pour les attacher plus encore à toi. Je suis sûre que Dillois t'aime beaucoup et que ce souvenir de toi lui fait grand plaisir. Notre Seigneur crucifié est l'emblème du pardon. Donné par toi, ce crucifix lui rappelle que tu lui as pardonné son acte de brutalité envers toi. Félicie, touchée. Gertrude, comme tu es bonne, réellement bonne. Comme c'est bon à toi de vouloir me faire aimer plus que toi par ce pauvre Dillois. Ce qui me surprend, c'est que je suis bien aise qu'il m'aime et que je ne le regarde plus comme un paysan. Gertrude, c'est parce qu'il t'a fait du bien et que tu en es reconnaissante malgré toi. Ma chère Félicie, si tu le voulais, tout le monde t'aimerait. Cela te serait si facile. Félicie, tu trouves que c'est facile parce que tu es toujours avec des paysans, que tu es habituée à leur saleté, à leur grossièreté, à leur langage commun. Mais moi, qui vais chez tous ces gens-là le moins possible, je ne peux pas leur témoigner de l'amitié ou même de l'intérêt comme toi. L'idée ne me vient pas de les traiter amicalement comme tu le fais. Je sais bien que tu fais semblant, mais... Gertrude, très vivement. Semblant ? Tu crois que je fais semblant ? Pas du tout. C'est que je les aime très réellement. Je m'afflige de leur chagrin. Je m'inquiète de leur maladie, de leur souffrance. Je suis heureuse de leur joie. Je voudrais les voir tous heureux. Je les vois avec plaisir. Je m'intéresse à leurs affaires. Je compte sur leur affection. Je les considère comme des amis et, sauf la fortune, comme nos égaux en tout point. Félicie, étonnée. C'est impossible ce que tu dis là. Tes égaux, des paysans ignorants, des gens qui ne savent rien, qui travaillent à la terre. Gertrude, avec animation. S'ils travaillent, c'est pour gagner leur vie, pour faire vivre leur famille, pour élever leurs enfants. S'ils sont ignorants, c'est qu'ils n'ont eu ni le temps ni les moyens de savoir. Ils en ont d'autant plus de mérite à être bons, à remplir leurs devoirs. Bien plus de mérite que nous, qui tenons du bon Dieu de quoi vivre et les moyens de nous instruire de nos devoirs. Félicie. Mais tu es folle, Gertrude. Où as-tu trouvé ces idées bizarres? Gertrude. Je les ai trouvées dans l'Évangile, dans les paroles et les exemples de notre Seigneur et des apôtres, dans les vies des saints, dans le catéchisme. C'est là que j'ai appris à avoir des frères dans tous les hommes et à aimer en eux, non pas leur richesse et leur gloire, mais leur vertu. Gertrude était très émue. Son visage s'était embelli par les sentiments qui l'animaient. Qui l'eût vue ainsi l'eût trouvée charmante, belle même, quoiqu'elle ne fût pas régulièrement jolie. Félicie, qui était au contraire belle et régulière, n'avait aucun charme, sauf les rares moments où un bon sentiment faisait disparaître la froideur hautaine qui la déparait. Mais ce n'était que des éclairs, tandis que Gertrude était constamment embellie par l'expression douce, bonne, intelligente et affectueuse de son regard. Il en résultait que l'une était belle et désagréable, l'autre pas jolie et charmante. Madame d'Orvillais, Madame de Saint-Luc et le général se promenaient dans une allée couverte qui longeait le chemin qu'avaient suivi les deux cousines. On les voyait parfaitement à travers le feuillage qui abritait à leurs yeux l'oncle et ses dames. Gertrude s'était arrêtée dans le feu de sa conversation. Elle restait immobile, contemplant sa cousine avec douceur et pitié. Félicie souriait d'un air incrédule. « Regarde-les donc, » dit le général à voix basse. « Comme Gertrude est bien, » répondit de même Madame d'Orvillais. Le général, « Superbe, je ne l'ai jamais vue ainsi. Ce que c'est qu'une belle âme !» Ils restèrent en contemplation, sans bouger, sans parler. Petit à petit, l'émotion de Gertrude se fit jour, ses yeux se remplirent de larmes. La physionomie de Félicie s'adoucissait. Son regard hautain faisait place à l'attendrissement et, d'un mouvement inattendu, presque involontaire, elle se jeta au cou de Gertrude. « Oh Gertrude, que tu es bonne! J'ai honte de moi-même quand je me compare à toi. Tu es un ange et je me sens un vrai démon auprès de toi. Ce que tu as dit est vrai. Je le vois, je le sens. J'ai voulu lutter contre la vérité, mais quelque chose en toi que je ne peux définir m'oblige à la reconnaître. » Gertrude. « Ma bonne et chère Félicie, quel bonheur tu viens de me donner. Tu veux décidément te faire aimer. » Félicie. « Oui, comme toi, ma chère Gertrude. Je t'imiterai en tout. Je tâcherai, du moins. Je te consulterai, surtout. Quel malheur que tu ne restes pas toujours ici. Quand tu seras partie, je n'aurai plus personne pour me diriger. » Gertrude. « Et ma bonne tante, et mon excellent oncle, le meilleur des hommes, le plus indulgent, le plus aimable. Ma tante, le modèle des mères. toujours bonne, toujours dévouée, toujours sage dans ses conseils. Bénis Dieu, ma Félicie, d'avoir des guides, des exemples pareils. Félicie, tu as raison, mais je suis plus à mon aise avec toi. Tu es ma semblable. Eux sont mes supérieurs. Je les crains un peu. Gertrude, tu les craignais quand tu faisais mal. Mais quand tu seras devenu ce qu'ils sont eux-mêmes, tu les aimeras trop pour les craindre, et ils t'aimeront trop pour te gronder. Le général, bah, je n'y tiens plus, il faut que je les embrasse. Madame d'Orvillet, le retenant. Non, non, Albert, n'ayons pas l'air d'avoir entendu leur conversation. Elle serait gênée, Félicie surtout. Rentrons sans bruit. Le général, ou plutôt continuons notre promenade. Je serais bien aise de marcher pour me remettre de l'émotion que ces petites filles m'ont fait éprouver. » Madame de Saint-Luc appuya la proposition du général et ils ne revinrent qu'une heure après. Madame de Saint-Luc était fort contente de l'admiration du général pour Gertrude. Elle raconta divers traits de sa bonté, de sa raison, de son dévouement qui augmentèrent encore la grande estime et l'affection du général pour cette charmante nièce. Madame de Saint-Luc fit aussi un grand éloge de Juliette. « Mais, dit-elle, Gertrude est tellement au-dessus de son âge, elle est si intelligente, si aimante, si gaie, si spirituelle, si charmante enfin, qu'elle fait tort à sa sœur par la comparaison. » Le général, Amélie a de la chance d'avoir une fille si parfaite. Madame de Saint-Luc, et vous, général, vous avez de la chance d'avoir une nièce pareille. Le général, souriant, oui, je ne suis pas mal partagé. J'ai un très joli choix de nièce et un gentil neveu, et je dois ajouter que les mères sont assez bien choisies. Hélène et Amélie sont des mères modèles et des sœurs incomparables. Quand je suis chez Hélène, il semble que je sois chez moi. Madame d'Orvillet souriant. À présent que j'ai eu aussi ma part de tes éloges, Albert, je crois que nous ferions bien d'aller voir Dillois et sa famille. Tu as raison, Hélène, je les avais oubliés. Ils trouvèrent les Dillois au comble du bonheur. Ils avaient tout vu, tout examiné. Ils avaient trouvé des vêtements, des étoffes en pièces pour Marthe et pour les enfants. Toute la famille était dans la joie. Anne et Laurent étaient revenus jouer avec les petits. Ils avaient emmené les deux aînés dans leur jardin. Et tous y travaillaient déjà activement à tout arracher, tout bouleverser, pour y replanter fleurs et légumes. Quand le général et Madame d'Orvillet vinrent chez Dillois, il leur présenta ses deux plus jeunes enfants. Le général, ils sont gentils, ces mioches. Et où sont les deux aînés? Dillois, Monsieur Laurent et Mlle Anne les ont emmenés, Monsieur le Comte. Je m'en vais les chercher tout à l'heure. Le général, as-tu vu Félicie et Gertrude? Dillois, pour ça oui, Monsieur le Comte. Ces bonnes petites demoiselles nous attendaient ici, dans la salle. Les gentilles petites demoiselles, Mlle Félicie a été bien aimable. Voyez, Monsieur le Comte, ce beau crucifix et cette jolie vierge. Ce sont elles deux qui m'ont fait ces jolis cadeaux. Je les garderai bien précieusement toute ma vie durant, bien sûr. Quand j'aurai mangé un morceau, Monsieur le Comte, je ferai ma tournée dans le jardin pour voir au plus pressé. Le général, tu feras bien, car le vieux Marcotte ne faisait plus grand-chose. Le jardin a été bien négligé et il y a beaucoup à faire. Le garçon jardinier est un bon travailleur, mais il n'entend rien aux ensemencements, aux arbres fruitiers et aux fleurs. 28. Le général proclamé fameux lapin. Au bout de quelques jours, le jardin fut nettoyé, débarrassé des mauvaises herbes. Il avait déjà pris un aspect tout différent. La femme et les enfants d'Illois aidaient tant qu'ils pouvaient. Mais Gustave et Marie, les deux aînés, étaient souvent dérangés par Juliette, Laurent et Anne, qui avaient aussi besoin d'ouvriers pour mettre leur jardin en état. Ils invitaient souvent leur oncle à venir voir leurs belles fleurs et leurs légumes. Laurent, dans 8 jours, mon oncle, vous mangerez une salade de chez nous, n'est-ce pas, Gustave? Gustave, pour ça oui, monsieur Laurent, mais il faut arroser tous les jours pour que la sécheresse ne prenne pas la laitue. Ça aime l'eau, la laitue. Laurent, seulement, mon oncle, il nous faudrait un tonneau plein d'eau. Nous sommes obligés d'aller remplir nos arrosoirs à la pompe de la ferme. C'est fatigant. Le lendemain, ils trouvèrent un petit tonneau avec un robinet sur une petite charrette. Il n'y avait plus qu'à traîner la charrette jusqu'à la pompe pour que le tonneau se trouvât rempli par le robinet de la pompe. Et comme ce jeu leur plaisait, ils arrosèrent leur jardin au point d'en faire un marécage. Les laitues pourrirent au lieu de paumer et les fleurs se flétrirent. Les enfants s'inquiétaient, mais ils arrosaient toujours malgré les représentations de leur bonne. Un jour, le général, accompagné de Gertrude et de Félicie, vint faire une visite au jardin. « Je viens voir ma salade, que j'attends toujours et qui n'arrive pas, » dit-il en approchant. Laurent, « Je sais pas ce qu'elle a, mon oncle. Elle ne pousse pas comme il faut. » Félicie, « Ah, mon Dieu, quel bout! Il n'y a pas moyen d'approcher de vos salades. C'est plein d'eau. » Le général, « Vous arrosez trop, petit nigaud. Vous voyez bien que tout est pourri par la racine. » Anne. Gustave nous a dit que la laitue aime l'eau. Gertrude. Mais vous lui en avez trop donné. Juliette. Comment faire alors? Le général. Ma foi, je n'en sais rien, à moins de tout rebêcher et ressemer. Laurent était désolé. Juliette et Anne le consolaient. Gertrude. Attendez, j'ai une idée qui est bonne, je crois. Il faut entourer le jardin d'un fossé. Toute l'eau s'y écoulera et vos fleurs et vos légumes ne pourriront plus. Le général. Gertrude a raison. Il faut se mettre au fossé. Juliette. Ce sera bien long pour nous, mon oncle. Gertrude. Nous allons tous vous aider. N'est-ce pas, mon oncle, que vous voudrez bien? Le général. Tout ce que tu voudras, ma fille. Tu sais que je ne te refuse jamais rien. Laurent, va demander à Dillois qu'il nous prête de grandes bêches. Laurent. Et j'appellerai aussi Gustave. Le général, riant. C'est ça, un bon ouvrier de plus. Laurent partit comme une flèche et revint peu d'instants après, accompagné de Dillois. Dillois. Monsieur le comte demande des bêches. J'en apporte 3. Mais ce ne sera-t-il pas trop lourd à manier pour les enfants? Le général. C'est moi qui vais en prendre une, mon cher. Gertrude prendra l'autre, et toi, Félicie, te sens-tu disposée à prendre la 3e pour nous aider? Félicie, avec quelque hésitation. Je veux bien, mon oncle. C'est un peu lourd? Dillois. Vous ne pouvez pas vous servir d'un outil si grossier, ma bonne petite demoiselle, ni mademoiselle Gertrude non plus. Laissez-moi faire. Je vais chercher mon garçon qui bêche bien, et à nous deux, nous aurons bientôt fait votre ouvrage. Laurent. Merci, merci, Dillois. Commencez tout de suite, je vais chercher Ferdinand. Il disparut aussitôt et ne tarda pas à revenir avec Ferdinand. Pendant son absence, le général avait expliqué à Dillois le travail conseillé par Gertrude. Dillois l'approuva beaucoup et commença tout de suite le tracé du petit fossé. Il le finissait lorsque Laurent arriva. « Tiens, Ferdinand, il faut un fossé autour du jardin, 40 cm de largeur et 30 de profondeur. Et vite, c'est un ouvrage pressé » ajouta-t-il en riant. « D'abord, dit-il tout en bêchant, tout ce qui est pour les enfants est toujours pressé. Ils n'ont pas, comme nous, la patience d'attendre. » Le général. « Et tu crois, mon brave garçon, que je resterai les bras croisés comme un oison à te regarder faire? Je prends ma bêche et je commence à l'autre bout. » Gertrude voulut également aider avec une bêche des enfants. Félicie finit par s'y mettre aussi. Dillois. « La bonne terre doit être jetée sur les planches. Ça les exaucera et ça n'en fera que mieux. » Laurent. « Et nos salades qui seront enterrées? Anne, et nos pauvres fleurs ?» Dillois. « Quant aux fleurs, mamselle, ça ne leur fera pas de mal. » Mais pour les salades, il faut les arracher lestement, car nous y arrivons tout à l'heure. Juliette. Arrachons tout, que chacun prenne une rangée. Aide-nous, Gertrude. Aide aussi, Félicie. Gertrude et Félicie jetèrent leurs bêches, qui n'avançaient pas beaucoup le fossé, et se mirent avec les autres à arracher les salades. Laurent et Juliette voulurent les garder pour les éplucher et servir à leur oncle les feuilles encore fraîches. Gertrude riant. Une jolie salade que mangera mon pauvre oncle. Laurent. Tiens, les feuilles sont très bonnes. Félicie. Il n'y a pas de cœur. Les feuilles sont vertes. Ce sera détestable. Anne. Ce sera très bon. Qu'est-ce que ça fait que les feuilles sont vertes? Hier, j'en ai donné un peu aux lapins. Ils ont tout mangé. Ils ont trouvé ça très bon. Tout le monde partit d'un éclat de rire. Anne. Pourquoi riez-vous? C'est très vrai. Gertrude. Mais mon oncle n'est pas un lapin. Anne. Je sais bien. Et pourtant, l'autre jour, Dillois disait, en parlant de mon oncle, qui est si brave et si bon, Monsieur le comte est un fameux lapin. Tu vois? Le pauvre Dillois cessa un instant de bêcher. Il était tout confus. Le général interrompit aussi son travail pour rire plus à son aise. Gertrude, Félicie, Juliette et Laurent riaient aux éclats. Les rires redoublaient devant l'air étonné d'Anne. « Ma pauvre petite Anne, dit enfin le général, je te remercie bien de ton explication pour ma salade, que je mangerai avec d'autant d'appétit que tes lapins. Anne, n'est-ce pas Dillois que vous avez dit que mon oncle est un fameux lapin ? « Mon Dieu, oui, mamselle, répondit humblement le pauvre Dillois, tout confus. Et j'en demande bien pardon à monsieur le comte. Je n'avais pas l'intention d'offenser monsieur le comte, bien sûr. Je serais bien désolé que monsieur le comte pût croire que je lui ai manqué de respect, moi qui suis tout dévoué à monsieur le comte et qui lui suis attaché comme à un bienfaiteur. » Le général. « Sois donc tranquille, mon brave garçon. Est-ce que je puis jamais avoir une pensée pareille? Mais c'est que tu m'as fait au contraire un fier compliment. » Ce n'est pas chose facile, ni commune, que d'arriver à être un fameux lapin. Mes hommes appelaient le maréchal Pélissier un fameux lapin, et je t'assure qu'il ne s'en fâchait pas quand il le savait. Il riait de bon cœur et remerciait de la bonne opinion qu'on avait de lui. Dillois. Merci bien, monsieur le comte, de me rassurer. J'aurais été si désolé de mécontenter, monsieur le comte. Le général. Je ne suis pas si facile à fâcher, mon ami. Et notre fossé, donc, vite, à l'ouvrage, enfant. Eh bien, qu'est-ce que tu as, ma petite Anne? Pourquoi pleures-tu si fort, ma pauvre fille? Anne, sanglotant. Félicie m'a dit que je suis une méchante, que j'ai fait de la peine. à Dilloy et à vous. » Le général, la prenant dans ses bras et l'embrassant, « Pas du tout, ma pauvre petite, tu n'as fait de peine à personne. Où diable Félicie as-tu été chercher cela pour faire pleurer cet enfant ? Console-toi, ma petite Anne. Tu as très bien fait. Arrache tes salades. Vous ne serez pas prêts à temps pour Dilloy. Il travaille, il bêche. C'est lui qui est un fameux lapin. » En 2 heures, le fossé fut terminé et on le vit avec bonheur se remplir tout doucement d'eau. Les ouvriers étaient en nage, y compris le général. Il fit apporter une bouteille d'anisette et du café noir tout bouillant qu'il fit avaler à tous les ouvriers et les distribua ensuite de l'anisette selon l'âge et le sexe. Les enfants qui ne prenaient jamais de café noir s'en régalèrent avec délices. Ils auraient voulu avoir tous les jours leur oncle dans leur jardin. L'heure des leçons était arrivée. Quand ils retournèrent à leur jardin, ils firent des cris de joie en voyant leur fossé plein d'eau et 2 petits ponts que Dilloy venait de leur établir. 29. Le général se loge et s'établit. Les jours, les semaines se passèrent ainsi, tranquilles et heureux. Le caractère de Félicie, quoique amélioré grâce à l'influence de Gertrude, apportait seul quelques troubles dans les parties de plaisir et les occupations quotidiennes des enfants. Les rechutes étaient fréquentes et graves parfois. La bonne Gertrude ne se décourageait pas. Après le retour de monsieur et de madame de Soubise des eaux des Pyrénées, Gertrude tint moins souvent compagnie à Félicie pour ne pas quitter sa mère, qui s'occupait elle-même de l'éducation de ses filles. La tendresse et la soumission de Gertrude pour sa mère eurent une heureuse influence sur Félicie. Madame d'Orvillet la trouvait de plus en plus docile, quelquefois même plus affectueuse. Un événement qui contribua à l'amélioration de Félicie fut une grave maladie de Dilloy. Les soins dont il fut entouré par toute la famille d'Orvillet, la sollicitude, l'affection qu'on lui témoigna, firent une favorable impression sur Félicie. Elle ne dédaigna pas d'imiter Gertrude et de s'établir avec elle des heures entières près du pauvre malade pendant que Marthe prenait un peu de repos. La maladie fut longue et dangereuse. Le bon vieux curé vint plusieurs fois visiter Dilloy. Ses paroles, pieuses et pleines de charité, ne furent pas perdues pour Félicie. Elle sut aussi apprécier les sentiments de foi du pauvre Dilloy. Résigné à tout, sincèrement soumis à la volonté du bon Dieu, il était sans cesse occupé de la crainte qu'on ne se fatiguât pour lui. La reconnaissance éclatait dans toutes ses paroles. Et, quand il entra en convalescence, il exprima si vivement que Félicie en fut sincèrement touchée. Et qu'elle comprit enfin qu'un pauvre paysan pouvait avoir des sentiments aussi élevés, aussi délicats que les gens du grand monde. Et bien qu'elle n'arrivât jamais au degré de bonté de sa mère, de son oncle et de Gertrude, elle ne choqua plus les gens du village par ses airs de hauteur et par ses paroles dédaigneuses. 3 mois après le commencement de notre récit, Félicie fit sa première communion. Le résultat en fut très satisfaisant. Elle continua à accompagner chaque matin Gertrude et ses dames à la messe, et à faire avec Gertrude des lectures pieuses. Peu de temps après cette première communion, madame de Soubise et madame de Saint-Luc parlèrent de départ. Mais le général leur demanda si instamment de prolonger d'un mois leur séjour qu'elles y consentirent. « Je désire vivement, dit-il, vous recevoir chez moi avant votre départ. »« Comment chez toi ? Lui répondit sa sœur Amélie. « Tu n'as de chez toi qu'en Afrique. » Le général. « C'est ce que nous verrons avant 15 jours, répondit le général en souriant. « Que veut-il dire ? » demanda madame de Soubise à madame d'Orvillet quand elles furent seules. Madame d'Orvillet. « Je crois que je devine. Les Castelceau ont quitté le pays. Leur aventure s'était répandue. On les montrait au doigt et on ne les appelait plus que monsieur et madame Futé. Leur propriété est en vente. Je crois qu'Albert va l'acheter. » Madame de Soubise. « Et que fera-t-il donc tout seul dans ce grand château ? » Madame d'Orvillet, souriant. « Il compte bien ne pas y être seul. Je crois encore qu'il pourrait bien se marier. » Madame de Soubise. « Se marier ? Avec qui donc ? Je ne vois personne à marier dans le voisinage que cette sotte et riche veuve, Madame Chip de Vieux. » Madame d'Orvillet. « Oh non, il a meilleur goût que cela. Comment, tu n'as rien remarqué ? Rien deviné ? » Madame de Soubise. « Rien du tout. Il ne nous quitte pas. Il ne vit que pour nous et pour nos enfants. Il est admirable pour Gertrude. » Madame d'Orvillet. « Et puis encore ? » Madame de Soubise. « Voilà tout, mais dis-moi donc ce que c'est, qui c'est ?» Madame d'Orvillet. « Tu n'as pas remarqué comme il est aimable pour ta belle-sœur, Pauline ? Avec quel enthousiasme il en parle ? Avec quel empressement il la recherche ? Comme ils sont toujours ensemble ?» Madame de Soubise. « C'est vrai, tu as raison, je le vois maintenant que tu me le dis. Et bien des fois je me suis réjouie qu'Albert témoigna tant d'amitié à Pauline, que j'aime de tout mon cœur. Elle est aussi bonne et aimable que charmante. Elle mène une vie bien isolée, bien triste. Ni père, ni mère, ni mari, ni enfant. Je serais enchantée qu'elle devint la femme d'Albert. Et mon mari en sera bien heureux. Il aime tant sa pauvre sœur et Albert. Madame d'Orvillet. Je te dirai même que Pauline m'en a parlé et qu'elle s'attend à une demande en règle très prochainement. Pendant que les sœurs causaient des projets du général, celui-ci avait demandé à Madame de Saint-Luc la permission de lui faire une visite dans sa chambre. « Certainement, mon cher général, avec le plus grand plaisir. » Le général s'assit en face de Madame de Saint-Luc. « Chère madame, lui dit-il, me permettez-vous de vous parler très franchement, Madame de Saint-Luc. « Très volontiers. Vous savez ce que j'aime particulièrement en vous, c'est votre grande franchise. » Le général. « Je vais donc vous dire franchement que je veux acheter la terre des Castelsau. Qu'en dites-vous » Madame de Saint-Luc. « Vous ferez très bien. C'est une belle et jolie propriété. » Le général. « Mais quand je l'aurai, je m'y ennuierai beaucoup tout seul. » Madame de Saint-Luc. « Je le crois sans peine. Vous aimez trop votre famille pour vivre en ermite. » Le général. « Mais si je me mariais, je ne serais plus seule, et nous vivrions près d'Hélène. » Madame de Saint-Luc. « Vous dites « nous », qui fera le « nous » ?» Le général. « Celle que j'épouserai et que j'aimerai de tout mon cœur. » Madame de Saint-Luc. « Et qui se trouverait très heureuse de contribuer à votre bonheur. » Le général. « Vous croyez ?» Madame de Saint-Luc. « J'en suis sûre. » Le général. « Vous m'avez donc compris ?» Madame de Saint-Luc, souriant, « Parfaitement, la chose est trop claire pour que je puisse ne pas comprendre. » Le général, « Alors, vous voulez bien habiter Castelsau ?» Madame de Saint-Luc, « Avec vous, oui. » Le général, lui baisant la main, « Ma chère Pauline, ma bonne Pauline, je serai donc heureux à mon tour. Vous n'aurez pas peur de mes vivacités ?» Madame de Saint-Luc, « Oh non, elles sont toujours aimables, et vous les réparez si bien. » Le général, « Mais 40 ans ne vous effrayent pas ?» Madame de Saint-Luc, « Non, puisque j'en ai 27. » Le général, « Vous ne craindrez pas de me suivre en Algérie ?» Madame de Saint-Luc, « Je vous suivrai partout, avec plaisir. » Le général, « C'est donc une chose convenue ?» Madame de Saint-Luc, « Mais il me semble que la chose est bien décidée. » Le général, « Merci, cher ami, merci, » dit le général en lui baisant encore la main. « Vous me permettez de l'annoncer à mes sœurs et à ma chère petite Gertrude, si vous vouliez venir aussi ?» Madame de Saint-Luc, je vais y aller avec vous. Ce sera mon premier acte d'obéissance. Le général offrit son bras à Madame de Saint-Luc. Ils entrèrent en riant chez Madame d'Orvillet. Madame de Soubise y était encore. Le général, nous venons vous annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle, mes chers amis. Je vous présente ma femme. Une sœur de plus, dirent-elles toutes deux en l'embrassant. Cher Albert, comme tu fais bien, lui dit Madame d'Orvillet en l'embrassant à son tour. Le général. Appelle Gertrude, Amélie, que je lui annonce tout de suite mon heureux mariage. Mais ne lui dis rien. Amélie. Sois tranquille, tu seras le premier à le lui apprendre. Amélie sortit et rentra presque aussitôt avec Gertrude. Gertrude, ma chère petite Gertrude, dit le général en l'embrassant tendrement, je me marie. Ta tante Pauline veut bien être ma femme. Ma tante Pauline, oh qu'elle fait bien, comme elle sera heureuse. Répondit Gertrude en se jetant au cou de son oncle et en l'embrassant à plusieurs reprises. Des bras de son oncle, elle passa dans ceux de sa tante. « Ma bonne chère tante, il y a longtemps que je prie le bon Dieu de vous accorder ce bonheur. Mon oncle est si bon et il vous aimera tant que vous n'aurez plus rien à désirer. » 30. Tout est fini, n'en parlons plus. Tout le monde se trouvant satisfait, on hâta les préparatifs du mariage. Le général alla avec Madame de Saint-Luc voir une dernière fois le château des Castelsau en compagnie de ses sœurs, beaux-frères, nièces et neveux. On trouva l'ensemble très beau. Les choses de mauvais goût étaient faciles à changer. Le général acheta la terre, qu'il paya 600 000 francs, et lui rendit son nom, qui était Val-Joly. Il fit, aussitôt après, les démarches nécessaires pour se faire remplacer en Algérie et se faire mettre en disponibilité. « J'ai 22 ans de service et presque autant de campagne, » dit-il. « Je ne me sens pas le courage de quitter ma femme et ma famille. S'il y a une guerre sérieuse, je demanderai un commandement. Jusque-là, je vivrai tranquille, chez moi. » 15 jours après, il s'installa à Val-Joly avec sa charmante femme en sortant de la messe de mariage. Un grand déjeuner était préparé pour la famille. Un bouquet magnifique, offert par Dillois, occupait le milieu de la table. Les enfants s'amusèrent beaucoup. Ils coururent partout, visitèrent tous les recoins du château. Le jardinier les laissa cueillir des fleurs en quantité. Ils en firent des bouquets pour leur bonne. On les ramena en voiture, ils traversèrent le bois où s'était passée la rencontre de Dilois et de l'ours. Ce souvenir leur causait toujours de l'émotion. Le soir, en se mettant à table, chacun soupira en pensant au général et à sa femme. « Quel dommage que mon oncle nous ait quittés !» dit Gertrude, en soupirant. « Et ma tante Pauline aussi, ils vont bien nous manquer, madame de Soubise. C'est vrai, cher enfant, mais ils sont si heureux que nous ne pouvons les regretter beaucoup. » Gertrude. « Aussi mes regrets ne sont que pour notre vie à nous, maman, qui sera moins agréable sans eux. » Peu de jours après le mariage du général, monsieur et madame de Soubise et leurs enfants retournèrent chez eux, en Bretagne. Félicie regretta sa cousine, mais pas assez vivement pour se trouver attristée de son départ. Il y avait en elle un fond d'égoïsme et de jalousie que réveillait sans cesse la grande affection que tout le monde, sans exception, témoignait à Gertrude. Quand elle resta seule, elle ralentit ses bonnes œuvres, ses visites de charité aux gens du village, aux pauvres, aux malades. Elle continua pourtant à témoigner un certain intérêt aux Dilois et à leur rendre de temps en temps de petits services. À son retour de Paris, on la trouva fort embellie, car son visage avait changé d'expression. Il avait pris beaucoup plus de douceur et de bonté. Elle a 17 ans maintenant, et ceux qui ne la connaissent pas intimement la trouvent très jolie. Gertrude vient d'épouser le fils du duc de la Folotte, jeune homme charmant, âgé de 25 ans, fort raisonnable, et qui avait aidé son père à refaire une grande partie de son ancienne fortune. C'est le général qui a organisé ce mariage. Il réunissait souvent les jeunes gens à Val-Joly. Le jeune duc ne fut pas longtemps à reconnaître les charmantes qualités de Gertrude. Il vint un matin déclarer au général qu'il désirait vivement unir sa vie à celle de Gertrude, et que, si elle n'y donnait pas son consentement, il irait s'engager comme soldat en Algérie. Le général lui promit de parler à madame de Soubise et à Gertrude elle-même le plus tôt possible, c'est-à-dire avant la fin du jour. Le consentement de madame de Soubise fut donné 1 heure après. De chez sa sœur, le général alla chez sa nièce, qu'il trouva peignant une vue de Val-Joly. Le général. « Gertrude, ma fille, veux-tu te marier ?»« Cela dépend du mari que vous m'aurez choisi, mon oncle, » répondit Gertrude en rougissant. Le général. « Oh, quant à cela, c'est un mari de premier choix, tout ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Bon chrétien, bon fils, garçon sage et rangé, joli garçon, de l'esprit, de l'instruction, des goûts tranquilles. Il t'aime comme un fou. En veux-tu ? Gertrude. D'après le portrait que vous en faites, mon oncle, ma réponse est facile à deviner, si toutefois maman veut bien y consentir. Le général. C'est fait. Elle a dit oui. Gertrude. Alors je dis comme elle, mon oncle. Le général. Et tu ne demandes seulement pas son nom ? Gertrude. En faisant son éloge, vous l'avez nommé, mon oncle. Le général. Bravo. Voilà qui est bien répondu. Ne bouge pas d'ici, je reviens dans 2 minutes. Le général sortit précipitamment, il ne tarda pas à rentrer, suivi du jeune duc. La voilà, mon ami, tout le monde a dit oui, arrangez-vous ensemble maintenant. Il sortit, laissant le duc en face de Gertrude, tous deux fort embarrassés. Gertrude avait encore sa palette et ses pinceaux à la main, le jeune homme restait debout à la contempler, aussi embarrassé qu'elle, du tour que leur jouait le général. Un sourire de Gertrude coupa court à cet embarras et ils s'entendirent probablement très bien, car 1 heure après, ils allaient ensemble chez madame de Soubise, qui les reçut dans ses bras. Ce fut une fête générale à Val-Joly et à Orvillers. 1 mois après, le mariage se fit en grande pompe à Val-Joly. Les 2 villages furent invités à la noce. Gertrude en fit les honneurs avec une grâce charmante. Félicie fut assez aimable. Les Robillards, les Moutonnets furent particulièrement soignés. On dansa jusqu'à la nuit. Félicie, cette fois, dansa la première contredanse avec Dilois. Anne dansa avec les 6 Moutonnets. Laurent et Anne s'en donnèrent à cœur joie. Les petits Dilois les accompagnaient partout avec le jeune Germain. Le général a 2 enfants. L'aîné, Pierre, qui a 4 ans, tient le poêle sur la tête des jeunes mariés pendant la cérémonie. Le second, Paul, regardait et battait des mains. Tous deux sont charmants comme père et mère. Les Castelceaux ont disparu, mais on sait qu'ils se sont ruinés, qu'ils ont quitté la France et qu'ils sont allés refaire fortune en Californie. Le bruit a couru qu'ils avaient été pris par les Indiens et massacrés. Le pauvre Moutonnet est plus mouton que jamais. Amanda règne et gouverne dans le ménage. Elle est même parvenue à se faire craindre de sa belle-mère, de son beau-père Moutonnet et de tous les Moutonnets du pays, garçons et filles. Laurent a fait sa première communion l'année dernière. Lui et Anne sont de charmants enfants. Leur bonne les aime tendrement. Juliette est très gentille. Elle est de plus en plus jolie, aussi jolie que Félicie et Anne. Mais elle n'a pas ce charme de Gertrude qui attire tout le monde. Dilois est le plus heureux des hommes. Il a fait de son jardin un potager merveilleux qu'on vient voir de 10 lieues à la ronde. Il aime de plus en plus ses excellents maîtres. Sa femme est la plus heureuse des femmes. Les enfants sont très gentils. Gustave aide déjà son père au jardinage. Le père cherche à en faire un jardinier de premier ordre pour le placer chez le général, qui en a un assez médiocre, mais qu'il garde pour attendre les 20 ans de Gustave. Le général est à la veille de marier son vieux valet de chambre avec Valérie, qui hésite à cause de Laurent et Anne. Elle demande 3 ans encore. Le général ne lui accorde que la fin de l'année. Madame d'Orvillet l'engage à se marier et à ne pas sacrifier tout son avenir à un dévouement inutile, Laurent et Anne n'ayant plus besoin de ses soins et restant dans le voisinage. On est presque sûr que Valérie acceptera. Ici se termine Dilois, le cheminot, de la comtesse de Ségur.